Les bruits stridents des industries m'oppressent. Laissez leurs propriétaires vous faire perdre de vue vos rêves. À vous faire rêver de revanche. Appuyé par les décideurs qui répudient vos thèses d'un revers de manche. Les bruits stridents des industries m'oppressent. Laissez leurs propriétaires vous faire perdre de vue vos rêves. À vous faire rêver de revanche. Appuyé par les décideurs qui répudient vos thèses d'un revers de manche. Allez, étudie mon texte. Tu piges pas, plastique ton unité. Ou monte un casse, mais putain pleure, niche pas pour une augmentation. Assume ton statut de soumis, consentant comme les victimes de la Shoah et des plantations. C'est de l'ironie du con, rigole. Ouais. Prends ça comme tu veux, je m'en cogne, j'ai pas prévu de devenir ton idole. Non. Et te fricoter avec le gratin du rap messianique, médiatique au underground d'où vinicole. J'ai déjà dit ça 20 ans de la jouer cool. Avion lourdingue, estimez-vous heureux que ce soit moi qui m'y colle. Et si vraiment les injustices vous pèsent, laissez leurs responsables se gausser de ces maudites foutaises. T'as conduit bourré, t'es tétraplégique, tu l'as mérité. Non là c'est pas l'ironie, connard, c'est la vérité. Le rap Kaira c'est comme les séries B. Ça fait ni rire ni pleurer, ça fait pitié. Attends j'ai dérivé. Pas plus que les produits des révolutions style t-shirt RIP. J'en rirais si j'étais pas un enculé. Mais j'aime autant dire à ceux qui portent ça de sauter de leur baie vitrée. CQFD, évitez de me les briser sur les conditions de vie des déshérités. De France, d'Asie, d'Érythrée. T'en es, tant pis. Pour toi, ici, c'est pas une terre d'asile, t'es niqué. L'ironie, c'est à double tranchant, hein. Sûrement que je vais m'encombrer des considérations des bien-pensants. Depuis enfant, c'est à eux que je m'en prends. Oui, je t'entends t'écouter parler. Franchement, je m'en rends. Qui m'encense me descendra le jour où on devra se fâcher. Sale traître. T'as mâché tes mots, j'ai lâché les arpèges. Écrasé. Parfait, je vais cracher. Partez. Excusez, je ne fais que prendre soin de mes trachées. Artère. Tous les mécontents peuvent aller se faire foutre. Tous les mécontents peuvent aller se faire foutre. Sur les ponts qui d'être à la cool. Au-dessus des soucis remplants qui nous différencient de la foule et du stress en plomb. Tous les mécontents peuvent aller se faire foutre. Tous les mécontents. Tous les mécontents. Tous les mécontents peuvent aller se faire foutre. La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit. Ils veulent, ils parlent, ils ouvrent leur gueule. Ils me laissent tranquille, putain j'en ai ras le bol. De ces faux vandales, vantards, forts en parole. J'ai besoin d'un break, cette fois-ci c'est clair.